C'était genre le top, puis là, ça a commencé à descendre à partir de ce moment-là. Parce que, tu sais, Détroit, depuis 50 ans, c'est une ville politiquement, tu sais, politiquement uniforme, c'est démocrate. Démocrate. Démocrate systématiquement. Il n'y a presque pas de compétition politique. Puis, démocrate avec une espèce de collusion, les syndicats, la mairie. Exactement. Surtout à la mairie. Puis, ben, ce qui se passe, c'est que Détroit a accumulé au cours des années pas juste des dépenses publiques élevées en tant que telles. Si tu regardes ce qu'ils dépensent, c'est pas une fortune. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont promis qu'ils allaient dépenser au titre des régimes de retraite. T'sais, ça a l'air ridicule, mais la ville emploie à peu près 15 000 personnes. Ben, 13 000 plus précisément. Il y a 13 000 personnes qui sont employées. Sur les payrolls des régimes de retraite, il y a 24 000 personnes. Puis, ils ont promis quelque chose qui est nettement, tu sais, ce qu'ils ont offert, là, ce que ça coûte par personne de Détroit, là, maintenant, les régimes de retraite qui sont la cause de la faillite de la ville, ben, que la ville a appliqué pour la faillite, ça coûte 560 $ par payeur de taxes de Détroit, là. Pour les 700 000 personnes à Détroit, je dis qu'il y a 22 000 personnes qui sont sur les régimes de pension. Sur les régimes de pension, oui, de retraite des fonctionnaires. Puis c'est parce que pendant la game politique, pendant 30 ans, ça a été à Détroit. Ben, écoute, on va se faire réélire, nous les démocrates, on va rester politiquement en place. En protégeant le nanan et le pactole. Exactement. Puis, tel que promis. Puis comme les syndicats, ben, il y a un monopole dans le secteur public pour les syndicats. Puis c'est la seule place aux États-Unis où c'est que les right to work, en fait, jusqu'à récemment, les right to work s'appliquaient pas. Tu sais, le secteur public se syndiquait, puis, mais tu sais, secteur public, il y a pas de compétition. Secteur public, l'État, il y a juste un État. Enfin, t'as vu ça ici au Québec, c'est comme ça, c'est la réalité. Ben, mais aux États-Unis, c'est pas nécessairement la réalité. Ça fait que quand tu prends deux fonctionnaires, tu prends deux personnes, là, même compétences, t'sais, même diplôme, tout pareil, là, tu les prends, tu les compares, puis si un travaille dans le secteur public, juste parce qu'il travaille dans le secteur public, là, il est pas plus compétent que l'autre. Il est payé 10% plus cher par année que le gars dans le secteur privé. Parce que la négociation... Le contrat de travail. Moi, mais le patron l'a signé aussi. Oui. Mais tu avais une promiscuité de par l'allégeance démocrate. Tu as eu une promiscuité avec des mauvais maires. Puis tu sais, on le dit démocrate, là, mais faut faire attention. Là. Moi, je pense que c'est plus la corruption qui a amené là, plus que l'étiquette comme telle politique. Ben, c'est pas l'étiquette que je voulais critiquer, c'est le fait que... C'est la promiscuité qui a dérivé vers une corruption systématique. Oui. Du vol même. Dans le cas de Kwame Kilpatrick, l'avant-dernier maire qui était arrêté, c'est un bandit, ce gars-là. Ben, il y a pas plus tard qu'il y a 3 ans, il volait en plein jour, pas de cagoule. Non, mais c'est vrai, il est arrêté. Faites ça, Kwame Kilpatrick, vous allez voir ça. Kwame, ça s'écrit pour ceux qui le savent pas, là, c'est K-W-A-M-E. Oui, exactement. Exact. Puis, un bandit. Ah oui, mais c'est pas, la question c'est pas de critiquer l'étiquette démocrate, là, c'est pas ça mon point. Le point c'est que ça aurait été un républicain pendant 30 ans au pouvoir, la game aurait été exactement pareil. C'est parce que quand tu négocies avec un seul acteur qui lui, tu sais, a contrôle un nombre important de votes, qui s'exprime publiquement, ben tu lui donnes ce qu'il veut. Dans un secteur privé, là, moi si j'ai une entreprise puis que ma shop est syndiquée, le syndicat va penser à ce qu'il demande, parce que s'il demande trop, la shop peut fermer. Fait que tu sais, dans le secteur privé, des fois, le syndicat et l'entrepreneur ont peut-être plus d'incitation à s'entendre que dans le secteur public où c'est que le politicien, lui, c'est pas, l'État va pas faire faillite en tant que tel, là, pas sous son watch à lui, puis c'est pas lui qui est responsable. Lui, il s'en fout, là. Fait que, il va donner tout ce qu'il veut au syndicat. Fait que c'est pour ça que c'est la cause de la faillite de Détroit. C'est des promesses de retraite nettement trop fortes pour des raisons politiques. Mais à l'origine de cette promiscuité-là, c'est le tissu industriel des années 40-50. Une forte force ouvrière syndiquée, les travailleurs unis d'automobile. À ce moment-là, le politicien, sa clientèle, ce sont des familles de syndiqués, leur promet des trucs pour être élus. Et c'est ça le cycle, là. Leur promet des trucs à cette clientèle-là. Absolument. Qui s'attend à une livraison de services et la clientèle est contente puis elle travaille en campagne électorale pour que le maire soit réélu. Et ça a été une descente aux enfers qui a duré 50 ans. Exactement. Mais en plus, ce qui est un peu triste, c'est que tout le monde aurait pu le savoir. Tu veux pas toujours garder un secteur manufacturier vraiment important. Ce que tu veux, là, c'est tout à fait normal. Toutes les industries, plus ils avancent dans le temps. Tu sais, il y a 50 ans, là, on employait 40% des gens au Québec dans l'agriculture, là. Au début de la Révolution tranquille, il y avait encore un nombre important de personnes qui travaillaient, mais pas 40%, mais c'était plus comme 20%. Le 20% des gens qui s'est déplacé ailleurs, c'est pas des gens qui sont apparus sur le chômage. Juste l'agriculture est tellement devenue plus efficace que les gens sont développés dans d'autres secteurs. Entre autres industriels, l'industrialisation. Mais là, l'industriel aurait dû progressivement disparaître, mais en reposant toute la game politique là-dessus, comme ils avaient un gros pouvoir, c'est qu'une réalité économique allait changer éventuellement, puis ça allait finir par, ben, les morts dans le cul. Puis je veux dire, juste un peu d'histoire aurait fait cliquer les gens un petit peu. Il y a peu de gens aux États-Unis qui amènent cette question-là, mais Bill Cosby l'a amené à un moment donné, puis ça lui a valu quand même une couple de coups de pied dans le cul, mais je pense qu'il a raison. Moi, je suis allé à Détroit très souvent. J'ai vécu à Windsor un an, mais je suis allé 2 ou 3 fois par semaine. Là, tu le vois, c'est une ville noire, presque à 100%. Et aussitôt que tu quittes Détroit vers une banlieue, Novaille, que ce soit Grosse Pointe, tu sais, les villes qui l'entourent, là, Oakland County, au nord, etc., c'est des Blancs. Ou des Noirs qui ont de l'argent, qui roulent dans un char de l'année. Il y a vraiment un problème d'intégration raciale aux États-Unis, un problème d'éducation chez les Noirs, il y a un problème de fierté chez les Noirs. Et c'est vrai, là. Oh oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas moi le Blanc qui dit ça, mais Bill Cosby l'a dit. Mais il y a une histoire, là. C'est ça que les gens savent pas vraiment. C'est quand tu fais de l'histoire économique, c'est ça que je fais mon doctorat, là. Je suis un économiste qui fait de l'histoire. Puis il y a un paquet de livres qui ont été écrits sur l'intégration des Noirs avec les Blancs. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ben, écoute, tous les signes indiquent qu'avant que l'État décide de partir dans les années 60 son War Against Poverty, là, tous les signes indiquaient que le ratio entre noirs et blancs commençait à s'effondrer de manière importante parce que les plus jeunes avaient commencé à aller à l'école de manière plus importante. Alors, ce que tu dis, je te répète très, très brièvement, c'est l'écart entre les blancs et les noirs commençait. Tu prends le salaire. C'est l'écart. Okay. Tu dis, noir faisait 4$ de l'heure, le blanc faisait 10$ en moyenne. Puis ça, c'est à peu près le ratio. Pour vrai, c'était 40% à peu près. Mais l'écart commençait à se rapetisser. Il commençait à se rapetisser, okay. Puis il se rapetissait encore plus vite pour les plus jeunes. Mais quand à partir du moment que la guerre pour aider justement les Noirs a commencé, là, pour les aider à rattraper encore plus... Avec affirmative action, exact, entre autres. Les programmes de discrimination positive, les programmes de... un paquet de réglementations. Quand l'État s'est mis à intervenir beaucoup dans l'économie... C'est sur Lyndon B. Johnson, ça. Exactement. Ça a commencé à ralentir. Puis la raison, c'est pas parce que les gens avaient pas étaient pas tellement intentionnés. C'est parce qu'avec tous les programmes de affirmative action, il est venu un paquet de réglementations sur les commerces. Puis les Noirs, généralement, malgré ce qu'on en dit à ce moment-là, étaient généralement aussi moins éduqués. Fait que les premières job d'accès qui était facile pour eux, c'était des trucs que les hausses du salaire minimum démesurées les a exclus du marché du travail. Des réglementations sur les commerces aussi qu'il fallait que tu acquières. Un nombre important de licences les a découragés d'acquérir des petits commerces, a découragé l'acquisition de certaines formations, des talents techniques. Donc, les a découragés à l'accès à une classe moyenne. Oui, oui, exactement. Ça les a gardés. Ça freinait la mobilité. Ben, regarde, je vais te donner un exemple. Il y avait un gars dans les années 80 qui avait écrit un article scientifique, puis il prenait les examens pour des jobs comme plombier. T'avais des jobs qu'il faut que tu passes à l'État. C'est comme si t'avais la régie du plombier, OK? Tu vas voir, t'as un examen. Puis il a remarqué que l'examen, la partie orale, là, la partie pratique, les Noirs passaient aussi bien que les Blancs. Par contre, la partie écrite, les Noirs échouaient comme à 80% les L'éducation. Blancs. Exactement. Fait que tu sais, mais le plombier, là, j'ai pas besoin qu'il sache lire. J'ai besoin qu'il puisse faire réparer ça. Mon tuyau. Après, tu sais, s'il veut, tu sais, je veux dire, donnons-y l'accès à la première chose qu'il a besoin. Après ça, il pourra avoir les moyens pour se déployer. Mais toutes les réglementations du côté les empêchaient de monter. Puis les programmes qui ont essayé de faire monter les gens ne pouvaient toujours pas les atteindre, peu importe les fortunes qui ont été dépensées. Puis c'est vrai que Détroit est une ville, c'est qu'il n'y a presque aucune intégration, parce qu'il y a une tonne de réglementations, une tonne de taxes, une tonne de réformes qui découragent l'accès aux premières aux premiers emplois. Tu as des générations qui sont brûlées, littéralement. Absolument. Toi, les gens, là... C'est des zombies, là. Marche sur le trottoir, c'est dommage. Le capital humain gaspillé. Tu sais, on dit 700 000, 800 000 personnes à Détroit. Ben, non, la moitié sont pas employables. Excusez-moi, ouais. La moitié sont pas employables. Parce qu'ils n'ont pas d'éducation, sont dépassés, ils n'ont jamais touché un ordinateur de leur vie. C'est triste à mourir, Détroit, là. Ben, il y a des gens qui ont été abandonnés derrière, oui, par ça. Puis les gens réalisent pas que ça, c'est des effets parfois pervers. L'intervention de l'État qu'on réussit pas à voir, tu sais, de manière explicite. Mais ça fait que souvent, ces gens-là sont pas outillés. Puis ça s'applique aussi. Il y a des communautés blanches qui ont le même problème. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'avec toutes ces réglementations-là, ceux qui ont pas eu au début de leur vie, parce que l'intelligence, là, puis l'intelligence se forme très rapidement quand t'es jeune. Ben, après un certain âge, t'es relativement fixé, là. T'es pas, tu sais, après 25 ans, là, tu peux pas augmenter ton QI de beaucoup. Même si le QI, c'est pas la parfaite mesure, là, tu peux pas l'augmenter d'énormément. Ton potentiel. Là. Ton potentiel est pas mal atteint en termes de ce que tu peux acquérir. Là, après, tu sais. Mmh. Tu compris, Laurent? Ouais, je sais, là, j'ai pas mal stagné, là. C'est correct. Mais les enfants qui ont été abandonnés derrière, là, par toutes les mauvaises réformes, par toutes les manques d'accès aux premières expériences d'emploi, ben, ça fait en sorte que eux, après ça, là, quand ils voient des réglementations gouvernementales, là, ils comprennent pas, là. Ils sont là, puis ils sont face à tous les outils de la vie, puis c'est complexe, puis c'est trop complexe pour eux. Mais c'est un autre groupe, là. Puis ça, c'est le vrai problème des inégalités aux États-Unis, c'est que t'as un paquet de gens, les gens qui sont un petit peu plus intelligents, qui, eux, peuvent continuer de monter. Fait que t'as une segmentation américaine qui se fait presque selon une base de gens qui sont des communautés vraiment intellectuellement homogènes. Moi, je te donne les clips de Troyes, là. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec Detroit? Ben écoute, hein? Tu sais, je vais être radical, là. T'as beau avoir un QI élevé, Vincent Gelozo, là, d'après moi, t'as pas les solutions à matin, non plus. Non, mais moi, ce que... Je veux dire, en affaire, c'est compliqué. Moi, je crois pas... C'est compliqué de relancer Detroit, là. Dominique, moi, je pense pas que j'ai de solution à l'affaire. Okay. C'est que moi, je crois pas qu'il y a des solutions universelles, là, comme beaucoup de gens de gauche, ou même des fois de droite pensent, là. Je pense que je suis fondamentalement un imbécile. Il y a des gens qui détiennent des informations, là, que moi je ne détiendrai jamais de ma vie. Tu vas toujours rencontrer quelqu'un dans ta vie qui connaît pas quelque chose que toi tu connais pas. Absolument. Fait que la question c'est laisse le moins de barrières possible aux gens d'exploiter cette information là à profit. Fait que là le problème de Detroit, puis là tu regardes. Donc avec, tu dérèglementes, tu libéralises, tu dérèglementes, tu favorises. Ben oui, mais l'attraction du capital, mais en même temps. Ben dans la crise là, il y a un bel article qui est sorti dans le Washington Post, puis j'étais vraiment content de le voir. Quand ça, en fin de semaine? Il y a une couple de semaines, c'est qu'il y a un paquet de gens qui ont décidé là, que maintenant que la ville avait complètement éclaté, ils vont commencer à offrir des services particuliers que normalement, ils ont pensé que c'était juste l'État qui pouvait offrir. Fait qu'ils ont commencé à ouvrir des lignes de bus privés. Ils ont commencé à ouvrir, ils ont ouvert un mini-parc privé où c'est la communauté participe à ça. Puis t'as plein de solutions privées qui apparaissent pour produire des biens publics qu'on pensait être publics, mais qui sont produits de manière tout à fait... Laisser pousser l'initiative. Exactement. Fait que la question... C'est la base de l'économie de marché. Fait que enlève le plus de réglementations possibles qui bloquent l'accès. Un vrai « we're open for business ». Oui, oui, un vrai « we're open for business », pas « government plans business ». C'est ça. On va vraiment vous laisser des solutions. Puis si on essaie d'avoir un plan pour relancer la ville, ça va probablement échouer. La vraie manière de relancer la ville, c'est de pas essayer d'avoir de plan, puis de laisser les gens... probablement essayer des affaires. Tu sais, c'est un peu les vieilles logiques des jardiniers. Là, let a thousand flowers bloom. Ben, c'est la même logique. Tu laisses, t'essayes de laisser voir combien de fleurs. Il y a une couple de morts dans la gang, mais les plus fortes vont. Oui, puis après ça, ils vont pouvoir procréer, puis ça va s'accumuler. Mais tu peux pas garder une ville qui a été. Le problème de Detroit, ça a été trop d'interventions gouvernementales. Pendant trop longtemps. Tu vas pas le résoudre avec plus d'interventions gouvernementales. Merci beaucoup, Vincent. C'est un plaisir. Tu reviens-tu à l'automne? Oui, bien sûr. En studio ou tu vas être au téléphone? Ben écoute, on va savoir qu'est-ce qui se passe, là. Ça dépend de Kate qui accouche? Ça dépend de ma première défense de thèse. S'il trouve que c'est okay. Assez bon, je reste au Québec, je continue d'enseigner à HEC. Ça va-tu être bon? C'est tellement bon ce que j'écris.